matoyi manga opesango ambago ya bajetem na yo. Eh, Patrick Bologna loposo nanga couleur d'origine kelela bakaras na yo. Métier merveille motema ekokite epesi misama wa pinzole tangi soko zongi tena sambwe rumba olingaka yango yote na motono ya palais oya kishinga pemba Sony Kamana na kata chambre nga moko contre 6 millions basu singo ya ogo etumbo yo monene boye vraiment. Est-ce qu'un coquille kozongi sata moi chuki? Comme c'est pas possible, papa. Sornanga oye bibien, mais pour kozo traîne, yako souvenka. Na bengi yo na téléphone, mille yon pa oubouine yoko rappele. 227 messages non lus. Supprimé au boycottant à ta moko ya pamba. Bah j'étais nanga et na moté mano. Ou effacer le collé les mamas soua na maï. Pourquoi? Dani Banza, le président. Kouita bolingo no eko singa. Na plongé na piscine zanga maï. Na beto à l'hôpital onga lo samboé. Et pa ya zambé na bona yo ya souka. Soko bona yo ko ya Somba déjà couron de fleurs à koufananga. Yele ho ho ho. Ho ho ho ho. Na senga yo bolinga mwana soso. Po atakoli toujours pena lopango. Opi manga opi si mwana ndeke. Tala rakoli wana pungwe. Les DDP. Na senga yo bolingo mon amour. Yo préféré au pesanga barégré. Mote ma moana mote koma poubelle. Rolanga se koyamba bila kwa bon soto. Bininga na saliae. Pona merite li futa motino yo. Chérie, lando bati mouka. René Louassang, très très fort. C'est grâce à ta moninga, yando bomba, kuko kone visible. Soko zonde sinenga, mwanene teo na kona mikau. Prisonniere a souci, esclava pasia, bolingo vone lisasio. Oyozo salana, dana tazangwa kundi madivorce, oh oh oh. Nathalie Makoma Oli Kambo Sama Li Kambo Ampasi Li Kambo Kokamwa Basengi biso kopo ya mai Topesi bango bidon. Est-ce que tu salis ma belle? Allez, fais-nous plaisir. Hey, Peyati ako fananga oni mabetango na makaniso markete otira kote. Talanga na poto pinzole toni pelouse. Souci komisanga paralyse mon amour. Pardon kon markete. Papa passe non va délivrer yo baby eh eh eh la grande moi na ya Cameroun mais ce zanga bongo mais ça la kai fort ya ko futa nyonga ongio mais pourquoi ya yo kote maiza na makoki ko linganga ezopi manga bongo na sambwe Floribert Loboto Yeleo Les Sulutani de Masimanimba C'est grâce à ta moninga Yondo bomba Poco comme invisible Invisible Soko son dessiné Nga monel et théo Na konda mikao Na tonda mikao Prisonnière et souci yeah. Esta va passer à Bolingo Vone l'issation L'issation, l'issation Oh yonzo salana Dana danza mwa kundi manivorce Oh oh oh Singa susina yeah. Soko ye jeta siyo na koza kinya hey. Matu imanga Opesa ko ambako ya majeta na yo Nous sommes dans un monde où tout le monde observe tout le monde. Même les observateurs sont observés. Ah ouais.